Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'aventure sonore du dimanche soir sur les ondes de CKRL. Malgré le vide culturel qui nous environne depuis presque un an maintenant, il y a des courageuses et des courageux, des programmateurs déterminés à en découdre avec la pandémie. Et j'ai nommé les producteurs et les animateurs du mois multi, édition de février 2021. L'événement international d'art multidisciplinaire qui démarre ce prochain jeudi 4 février. Donc, au programme ce soir, une rencontre avec Michel Plamondon. C'est le commissaire du mois multi attitré au volet expérimentation musicale et électronique. Je vous propose également une conversation avec Bruno Bouchard du Théâtre Rue d'Ingénierie qui nous concocte une performance sonore inédite et un échange avec le créateur sonore et musicien Frédéric Lebrasseur autour de son projet d'initiation au monde des sons, un projet destiné au jeune public, rien de moins. Il faut dire que l'équipe du Mois Multi tient le cap encore cette année, même en mode virtuel, autour de préoccupations tout à fait cohérentes dans le contexte des défis sociaux de l'heure. Tenter de rebondir et du mieux qu'on peut, c'est le mobile de toutes les actions artistiques qui nous sont proposées cette année par les commissaires Émile Beauchemin, Laurence Pélafaille, Jeanne Couture et Michel Plamondon. Présenté en grande partie sur le web, le Mois Multi nous propose des performances, des happenings, des activités interactives, des spectacles inclassables, des réflexions sur les nouvelles formes artistiques. Tout ça imaginé cette année autour du thème des résistances et des ravissements. Où en est l'art sur le web? Comment susciter des expériences artistiques riches et sensibles pour les enfants et leurs adultes en mode virtuel? Voilà quelques-unes des questions qui reflètent le défi lancé par les commissaires du Mois Multi, nous proposer le travail d'artistes et de travailleurs culturels résilients qui ont le goût, en dépit de tout, de faire la fête, de rire, de pleurer, de crier et d'être là pour cette édition virtuelle du Mois Multi qui s'adresse à tous les publics. Et dans cette veine, je lance la soirée avec l'artiste Fred Lebrasseur, un musicien fort connu de Québec qui a imaginé pour le Mois Multi un magnifique projet intitulé « Marche dans mes sons ». C'est un projet pour jeunes publics qui dure tout le festival et qui vise à transformer le paysage hivernal au fil d'une surprenante balade sonore dans la ville, une balade pour vrai, en personne. J'ai rencontré Frédéric qui nous parle de cette belle marche et des marches artistiques. Alors on écoute Fred Lebrasseur. Frédéric Lebrasseur, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver au programme du Mois Multi cette année, édition 2021. Fred, un projet qui s'adresse au jeune public, ça s'intitule « Marche dans mes sons ». J'aimerais vraiment que tu me parles, que tu me décrives ce projet qui est novateur, s'intéresse aux jeunes publics, aux enfants. Je t'écoute. Bien, déjà, Gaëtan, je suis vraiment content de t'entendre aussi, d'être avec toi. Puis je suis content d'être au Mois Multi cette année, une année spéciale pour le Mois Multi. Puis moi, c'est la commissaire Laurence Pélafaille qui m'a approché, qui, elle, est une experte du jeune public, une experte. Puis effectivement, elle m'a rejoint là-dedans parce qu'elle cherchait comment faire des spectacles multimédia ou moins multi sans être nécessairement derrière l'ordinateur. Tu sais, parce que quand on travaille avec du jeune public, on sait qu'ils déjà sont attirés par les écrans, puis on essaye peut-être d'éviter ça. Mais là, c'était une édition spéciale. Fait qu'elle m'a proposé de faire une balade sonore à quelque part dans la ville. Elle m'avait dit peut-être un parc, tout ça, un lieu comme ça où tu vas te promener, où les gens vont se promener avec des écouteurs, puis tout simplement, ben, la musique ou les sons ou peut-être le texte va faire écho à ce qu'il y a dans le paysage. Ça m'a tout de suite vraiment enchanté comme idée. J'ai déjà fait des affaires qui ressemblaient à ça, mais pas vraiment ça. T'sais, fait que là, j'ai fait, ben oui. Puis en plus, pour jeune public, là, mettons à partir de 6 ans jusqu'à plus grand, puis après, ben, c'est sûr que je pense que c'est pour tout le monde, dans le fond. Ça donnait un peu comme carte blanche, hein? Puis c'est ça qui était magnifique là-dedans. Puis c'est ça qui est le fun de travailler avec du monde qui sont des pros, là, qui sont habitués, puis que souvent, c'est quelqu'un qui arrive avec comme une idée, qui déjà l'idée est toute là, mais en même temps, il n'y a rien qui est là parce qu'elle te laisse la place pour trouver, pour être créatif. Puis après, ben, tu travailles un peu avec cette personne-là pour être sûr de s'enligner sur les bonnes choses. Fred, ça commence ce projet-là avec le mois multi dès le 4 février. Comment ça va se passer là, concrètement pour les auditeurs? Bien, ce qui est, le monde, ils vont aller sur le site. Ils vont carrément télécharger un MP3. Pas un MP3, mais je veux dire, une piste audio. Puis là, ils vont pouvoir mettre ça dans leur cellulaire, leur iPhone, leur ce qu'ils veulent, là, qui commence par un i puis qui finit par de quoi de le fun. Puis ils vont avoir leurs écouteurs, puis ils vont aller eux-mêmes au lieu qui va être indiqué. Le lieu, il est encore secret, mais je pense que je vais te le dire. C'est sur le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. On va partir à côté de la rue du pont. C'est le pont Dorchester qui est là. Puis juste sur ce petit... sur le bord de l'eau, on va se promener. Mais la balade va tout indiquer ça. Fait qu'on va se déplacer. J'ai décidé d'avoir une narratrice qui est André Bilodeau, que tu connais bien, je pense. Puis je l'ai engagée pour faire la narration. Moi aussi, je joue du violon. J'ai fait des arrangements de violon. Puis aussi, même, elle chante aussi à un moment donné. Fait qu'elle est vraiment multitalent. Puis en plus, en cette pandémie, c'est une professionnelle. Elle a tout ce qu'il faut s'enregistrer chez elle pour que ça sonne bien. Tout ça. Fait qu'on pouvait travailler à distance. Puis, on a réussi à faire de quoi de vraiment cool. Fait qu'elle a fait la narration de tout de ce qui se passe. Fait qu'il y a des indices. Autant que la narration, des fois, est poétique, que des fois, elle est très technique pour juste nous dire « va par là, tourne par là », tout ça, tu sais. Fait que c'est un mélange des deux. Puis, je trouvais que la voix André, ben c'est une super chanteuse. Elle a une voix qui est capable d'être grave aussi, mais je sais pas, là, de quoi, de la manière qu'elle parle, qui était un peu rassurante, qu'on avait envie de suivre. On avait envie de partir à l'aventure avec elle. Fred, on se retrouve dans quel genre d'univers? Au fond, on est proche du conte, n'est-ce pas, dans cette narration-là? En tout cas, les premières brides d'écoute, là... On est proche du conte, effectivement. J'ai un téléphone qui m'appelle. Ben, je vais pas répondre. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui... oui, c'est ça. C'était comme un conte, parce que je suis toujours un peu proche du conte. Je pense que moi, même quand je fais de la musique, j'aime ça raconter des histoires. J'aime ça dire au monde... tu sais, ce qui va se passer, ça va être ça, puis il va arriver ça, puis tu sais. Fait que là, je les lance un peu là-dedans. Je leur dis, il va y avoir une quête à faire, tu sais. On cherche le bout du monde, finalement. On va aller au bout du monde. Mais on commence ici, dans l'hiver québécois, tu sais. Je mets la neige en relief, la tempête, pour braver la tempête. Puis tranquillement, on va rencontrer d'autres éléments. On va faire du ski, mais après, on va aller sur le bord de l'eau, où c'est magnifique à voir. Fait que je profite qu'on voit le paysage, mais on va s'imaginer en dessous de l'eau. On va rencontrer une pieuvre qui fait des sons comme ça. Après, on va sortir de là, puis on va se promener sur le bord d'une plage. Il va se mettre à faire plus chaud. On va traverser un désert. On va arriver dans les souks où il va y avoir des marchands partout. On va rencontrer du monde, ce qu'on fait rarement de ce temps-ci. On va rencontrer des milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde. Puis tranquillement, on va passer par un peu plus de pollution, un peu plus de bruit, mais que le bruit va devenir un quatuor à cordes. Qui va suivre les tonalités des klaxons. Puis tranquillement, on va finir dans une jungle. Une jungle où les singes nous attendent. Puis cette jungle-là, ben, à la fin, elle va nous amener vers un autre bout du monde, finalement, parce qu'il y en a plein de bouts du monde. Frédéric, très belle proposition, très belle initiation aussi à l'environnement sonore, à nos environnements sonores. Ouais. Ça débute le 4 février. On écoute un extrait de ce parcours. grand merci. Et puis nous, on se revoit prochainement pour en parler plus longuement de ce projet qui s'intitule « Marcher dans mes sons ». Merci, Frédéric Lebrasseur. Merci, Gaëtan, d'être là encore. Après ta montée, continue ta route vers la droite. Sommes-nous vraiment rendus au bout du monde? Dans ce désert immense, j'ai plutôt l'impression que nous sommes au milieu de nulle part. Rejoignons le chemin principal et dirigeons-nous vers la droite. Enfonçons-nous dans le souk à travers ces boutiques. C'est fabuleux voir tous ces voyageurs arriver des quatre coins de la terre dans ce bazar. Comme à chaque année, Loin Multi comporte dans sa mouture artistique de nombreuses propositions artistiques dont le contenu sonore est particulièrement pertinent, saisissant. Et c'est dans ce contexte que j'ai eu la chance de rencontrer Michel Plamondon, réputé créateur et diffuseur de musique électronique, qui suggère l'idée de faire la bombe encore cette année, histoire de monter le volume sonore du festival. Sans plus tarder, je vous propose un échange avec Michel Plamondon, commissaire du volet sonorité électronique du Mois Multi 2021. Je tremble parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que vous êtes là. Hey Michel Plamondon, bienvenue à l'émission. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, Michel. Écoute, c'est ta quatrième année de commissariat au Mois Multi, un défi que tu relèves à chaque année de présenter au public un programme de musique électronique, d'expérimentation sonore. Cette année, tu concoctes un programme dans un contexte assez particulier. J'aimerais ça t'entendre sur comment t'as manœuvré pour créer ce programme cette année. En fait, on a eu plusieurs versions du festival avant de pouvoir le présenter légalement, comme on pourrait dire, ce que M. Legault et Arruda seraient probablement fiers de nous aujourd'hui, mais les premières versions, ils auraient peut-être été un petit peu moins fiers. Évidemment, là, avec les contraintes qu'on a présentement, on a dû changer notre fusil d'épaule quelques fois. Donc, ça se passe quand même assez bien. On a réfléchi quelque chose dès le départ qu'on devait faire présenter un festival en ligne plutôt qu'en présence, les arts vivants étant un peu absents, mais quand même, on a essayé de vouloir rendre ça le plus convivial possible et une proximité vraiment intéressante, là, autant pour les musiciens ou les performeurs que les gens qui vont écouter à la maison. Michel, le programme débute cette semaine, ce prochain vendredi 5 février. Tu comptes encore cette année faire la bombe. Donc, ce programme de bombardement sonore, comment il se présente? Faire la bombe était devenue une soirée classique du festival du mois multi là, dans les dernières années. Une soirée qui marchait très, très, très bien. Ça se passait, pour ceux qui ne connaissent pas, là, dans un petit bar à Québec, la cuisine, pour ne pas le nommer. Puis, c'est une soirée que les gens pouvaient se rassembler avec de la musique, évidemment, beaucoup plus festive, beaucoup plus house, techno, ces choses-là, un peu pour danser et tout ça. C'était un peu l'endroit pour lâcher son fou après toute une journée là, de festival et tout ça, pour aller faire la fête. Puis, on a quand même voulu faire une soirée qui porte ce nom-là cette année, dans le but de que ce soit rassembleur avec des DJ locaux, des gens qui font de la musique électronique locaux. Mais quand je dis locaux, on parle de Québec et Montréal, mais qui va être quand même rassembleur, qui va rappeler un peu des habitués un peu là, de ces soirées-là, ou même de la cuisine, entre autres. Donc, la soirée, le vendredi, va débuter à 21h, va se terminer aux alentours de minuit. Donc, on aura trois artistes, trois entités artistiques qui vont faire les prestations. Donc, ça va débuter vers 9h avec Sapin, qui est un gars de Québec, fait de la musique électronique, qui est un petit peu techno-minimal, dub-techno, fait avec des synthétiseurs, ordinateurs et tout ça. Il va nous présenter là, vraiment là, tout du nouveau matériel. On va faire quand même des prestations relativement courtes. On ne veut pas faire des prestations de 2 heures par personne. On s'entend que dans l'expérience qu'on a vécue depuis pratiquement 1 an maintenant, on a appris des fois qu'il y a des concerts de 2 heures par personne. Ça peut être un petit peu long à regarder ça sur un ordinateur. Donc, on veut créer un certain mouvement là, aussi là, pour favoriser un peu l'écoute, puis aider là, à être captif à l'écran un peu, façon de parler. Là, donc, on débute avec Sapin. Ensuite de ça, on va accueillir Flabbergast, qui est un duo formé par les deux réputés musiciens montréalais en musique électronique et en house, je dis Vincent Lemieux et Guillaume Coutu-Dumont. Vincent Lemieux est un des programmateurs, un des commissaires de Mutech, donc c'est un visage bien connu de la musique électronique montréalaise. Guillaume Coutu-Dumont a fait beaucoup de tournées à travers le monde avec sa musique. C'est quelqu'un qui est très, très, très connu en Europe. Sa dernière prestation, justement, à Montréal, a été un des moments forts lors de Mutech dernier, pour faire une version en ligne. Je crois qu'avoir les deux ensemble réunis, les gens de Québec généralement aiment beaucoup là, ce qu'ils font, donc ça peut être vraiment intéressant. Michel, on va écouter quelques extraits de ces deux créateurs, Sapin et puis Flabbergast. Je tremble parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que vous êtes là. Michel Plamondon, Saint-Michel, c'est l'artiste qui va clore le programme, je vais dire ça comme ça, tu le connais bien. C'est l'avatar de Michel Plamondon. Il faut que tu me parles de ton projet pour cette soirée, de faire cette idée de faire la bombe. En fait, j'avais toujours voulu faire une petite réserve sur le fait de jouer sur un festival que je fais la programmation. Je trouvais par contre cette année que ça se prêtait bien à m'insérer dans la programmation. L'idée derrière tout ça était un peu justement de faire du nouveau matériel et tout ça, justement, présenter des nouvelles choses. Ça fait quand même une petite éternité que j'ai pas eu l'occasion de faire de performance live. Saint-Michel est un nom que j'utilisais énormément, beaucoup dans les fin des années 80 jusqu'à possiblement jusqu'à fin des années 90. On parlait beaucoup là de l'époque rave, l'époque techno, acid house et tout ça. À ce moment-là, je faisais beaucoup de choses. Je me promenais ici et là à aller faire de la musique live et non pas comme en DJ, mais donc là, je trouvais que pour justement faire un petit party de famille, faire quelque chose de local pour quelque chose de ressemblant, je trouvais que c'était très bien. Et Saint-Michel, jouer dans une église, pourquoi pas? Tout à fait. Dis-moi, Michel, est-ce que tu présentes des nouvelles créations ou si tu travailles là, à partir de tes compilations perso? Comment tu as construit ça, cette prestation? Ben, j'ai rebranché mon tape à cassette. Puis j'ai essayé de trouver des choses qui étaient encore potables aujourd'hui. C'est très curieux. C'est un peu regarder un ancien album photo sonore. Je dirais qu'à 95%, on va avoir uniquement du nouveau matériel inspiré de ce que Saint-Michel faisait avant. Il faut dire que Saint-Michel, c'est techno. Je fais d'autres trucs sur d'autres noms qui vont être plus ambiants, plus de musique d'écoute et des choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans un contexte que on veut que ça bouge un petit peu. Évidemment, on comprend qu'on est les gens vont être à la maison. C'est pas le même contexte qu'une grosse fête dans un gros concert où il y a plein de monde que c'est vraiment une ambiance survoltée. Mais n'empêche que l'idée, c'est que ça bouge un petit peu, mais que ça soit agréable d'écoute là, dans notre salon. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Alors, on est de retour après un bref battement promotionnel. CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, c'est La Croche-Oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL, le 89.1. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les pièces entendues ce soir, la liste là, sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Vous trouverez également la plupart des émissions qui ont été diffusées jusqu'à maintenant pour écoute immédiate ou encore en différé. Alors, comme suite à la première partie de l'émission, je vous propose ce soir un aperçu de la programmation sonore du mois multi, édition 2021, une édition qui débute ce prochain jeudi 4 février, et ça va se passer en mode virtuel. J'y vais rapidement, mais j'évoque dans cette veine le spectacle à dimension sonore, le projet Fragments de Julien Bayle, Chansons pour le musée de Karine Sauvé, Zoomé décalé d'Alexandre Berthier, et j'en passe de très nombreux. Alors je vous invite à aller voir moimulti.org, vous allez retrouver le programme de l'événement. Donc j'ai souligné en première partie, et c'est tout à leur honneur, que l'équipe du Moimulti relève un double défi, celui d'imaginer un festival hors les murs, compte tenu des travaux majeurs qui sont en cours à Méduse, avec en prime le défi d'atteindre le public en pleine crise pandémique, assorti, il faut le rappeler, d'un couvre-feu qui n'a rien de très festif. Cela dit, le mois multi est imaginatif, à preuve, cette programmation de Michel Plamondon, commissaire du volet musique expérimentale et électronique du mois multi. On poursuit ça avec Michel Plamondon à propos de cette soirée intitulée Iceberg, qui sera présentée le samedi 6 février. Alors Michel, samedi 6 février, on est cette fois-ci dans un concept un peu différent. Tu réunis plusieurs artistes du Québec, du Canada, de l'étranger autour d'un concept Iceberg. À toi la parole. Oui, en fait, ce que j'avais envie de faire vraiment avec Iceberg, c'était d'ouvrir une vitrine un peu sur la musique ambiante, la musique d'écoute, la musique qui n'est pas nécessairement justement survoltée, qu'en concert, des fois, c'est peut-être un peu étrange d'aller être une foule de 200-300 personnes pour entendre de la musique ambiante et des drones. C'est pas tout le temps propice à ça. Puis, dans le contexte actuel, je pense que les outils ont été développés et que le contexte d'écoute sera vraiment... est vraiment propice, là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut très bien se faire. C'est un peu un laboratoire présentement. On va essayer de faire quelque chose le mieux qu'on peut le faire. Puis, j'espère que c'est quelque chose qui va se répéter parce que, justement, une communauté de musiciens, de musique électronique un peu partout, éparpillée dans le monde. On peut parler autant des gens qui font beaucoup, qui travaillent beaucoup avec les net labels habituellement. Donc, l'événement Iceberg, c'est un événement qui durera 5 heures. Qui débute le samedi à 16h et qui va se terminer à 21h. Donc là, un peu sur le principe d'un glacier qui va vraiment tranquillement dans l'Atlantique, un peu le temps que ça nous prend pour partir en avion du Québec et se rendre en Europe, ça durera environ 5h, quelque chose qui va se dérouler lentement. Yeah. Michel, le projet Iceberg, ça réunit des artistes autour de leur projet. Tu peux nous en parler? Oui, la soirée, comme on pourrait dire, même si ça débute à 16h. Va débuter avec un Québécois, son nom d'artiste, c'est King John Hill. En fait, c'est Raphaël Simard de Québec, qui a déjà fait des trucs là, à Machine 8, entre autres. Je pense qu'il a fait des choses aussi avec l'ensemble inachevé de Fred Labrassard ou même 2019. Donc, il s'occupait du bidouillage électronique. Il sera en direct de la chapelle du séminaire de Québec à partir de 16h. Donc, c'est vraiment une performance là, live qu'il va faire avec des synthétiseurs, des petits trucs là, qui font vraiment de la musique. Donc, on commence avec lui. Ensuite de ça, on s'en va en Finlande. On sera en direct de la Finlande. Il sera 23h30 en Finlande et il sera 16h30 à Québec. On va se connecter directement du studio de Jukka Automaki. Donc, dans son studio de Finlande, Jukka est déjà venu à Québec il y a quelques années, je dirais, si c'est pas une dizaine d'années, là. C'est quand même quelqu'un qui se promène beaucoup, là, qui a fait beaucoup de choses aux États-Unis, en Europe. Présentement, il y a des œuvres qui sont présentées, des œuvres sonores qui sont présentées au Sci Art Deepfake de Los Angeles. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup, là, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça. C'est un peu il fait de la sculpture numérique, si on veut, là, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup là, en Finlande. Il est basé en Finlande, en fait. Donc, Michel, on poursuit sur ce programme de Iceberg qui est présenté le 6 février. Suite à ça, nous aurons le plaisir d'accueillir Atheus, qui est Montréalais d'origine, mais qui vient juste d'emménager à Québec. Serge Colin fait surtout de la musique des drones, de la musique ambiante, mais vraiment quelque chose d'ambiant très sombre, très dark, quelque chose d'assez lourd. Il travaille beaucoup avec des machines qu'il construit lui-même. Il fait rarement des spectacles, donc je suis vraiment content là, de pouvoir présenter ça. Il est assez bien connu là, en Europe, là, surtout en Allemagne. Donc, il a vraiment fait des parutions sur des disques, sur beaucoup de disques vinyles là, en Allemagne. Là, quelque chose de dub techno, mais très ambiant, sombre. Donc, lui également sera en direct à la chapelle à 17h. Julien Bail, le français Julien Bail, qui est tout un monde à lui-même. Julien Bail, c'est quelqu'un qui fait de la musique électronique, quelque chose d'assez expérimental. En fait, il y a toujours un petit côté scientifique derrière ce qu'il fait. Donc, lui, Julien, sera en direct de son studio à Marseille. Il sera 23h40 à Marseille, 17h40 à Québec. Donc, il fait vraiment de la conception sonore et tout ça avec des logiciels. Il a écrit plusieurs livres sur pour expliquer certains logiciels, des livres techniques. Il y a plus d'une vingtaine de parutions. Ses installations, ses concerts ont été vus dans plusieurs pays, environ une quinzaine de pays. Donc, Julien Bail sera vraiment quelqu'un à surveiller pour Iceberg. On continue un petit peu plus tard avec Fake Electronic. Fake Electronic, un gars de Toronto qui habite maintenant Montréal, qui fait de la musique électronique minimale, ambiante, mais qui travaille énormément sur des synthés modulaires. Donc, ça sera vraiment intéressant de pouvoir regarder ce qu'il fait en direct de la chapelle du séminaire de Québec. Donc, on aura vraiment... les caméras seront plongées sur ses mains ou ses machines, des bouts de fil et tout ça. Ça sera vraiment le fun à voir. Il a fait beaucoup de concerts au Nocturne du Mac à Montréal. Il a travaillé beaucoup en Europe, à Moscou, etc. Il est déjà venu à Québec comme DJ pour faire la bombe, entre autres. Michel, on poursuit sur ce programme Iceberg. On se reconnecte à l'étranger. On va faire un petit tour en Suisse pour aller se connecter au studio de Club Med. Club Med est en fait là, Harvey Ban et Andrés Marcos, c'est deux Suisses qui sont très actifs dans la scène des netlabels. Donc, tous les gens qui font de la musique ambiante, qui font de la musique un peu minimale en Europe, que ce soit en Suisse ou en Allemagne, ont une petite idée qui pourrait être ces deux mecs-là. Donc, c'est des gens là, qui vont faire beaucoup de musique à partir d'ordinateurs, à partir de synthétiseurs, même certains instruments plus acoustiques, des basses, des choses comme ça, des cuivres. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ils appellent ça, eux, ce qu'ils font, ils appellent ça du slow tech. Continuer ensuite de ça avec Victor. C'est un gars de Montréal qui fait des performances de musique techno-minimale, quelque chose d'abstrait et d'ambiant, là, sur des synthés modulaires aussi. C'est quelqu'un qui est assez complet dans son art. Il n'est jamais venu jouer à Québec. Il y a plusieurs étiquettes là, qui ont produit sa musique, qui l'ont diffusée. Mais c'est quand même un professeur de musique et de communication sonore et de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, c'est quelque chose qui a toujours une approche un peu philosophique sur... le style de musique qu'il fait et tout ça. Donc, c'est assez complet comme personnage. J'aime beaucoup jaser avec Victor et également entendre sa musique. Donc, c'est vraiment intéressant. On va terminer avec un autre Montréalais qui est assez bien connu, Jean-Patrice Rémillard, sous le nom de Fake. C'est quelqu'un qui fait de la musique électronique depuis plus de 20 ans. C'est également un ingénieur sonore. C'est un gars qui fait beaucoup de mastering dans son propre studio, qui vient de déménager son studio là, en Estrie, présentement dans les bois, pour se sauver de la grande ville un petit peu. C'est quelqu'un qui a environ... il a travaillé sur environ 500 parutions d'artistes différents. Il travaille beaucoup, beaucoup à faire des remixes, puis faire de le produit final pour que la musique des gens puisse se retrouver sur disque, se retrouver là, dans les plateformes numériques et tout ça. Donc, avec lui, ça fait un petit bout qu'il est venu à Québec. Avec lui, ça sera vraiment intéressant. C'est une musique très organique, Le son est très important pour lui. Je pense que le fait de le présenter de cette façon-là, dans un contexte qu'on peut écouter ça dans notre système de son à la maison ou dans nos écouteurs, ça va vraiment être intéressant. Il sera également à la chapelle du Séminaire de Québec vers 20h05 jusqu'à 21h. Ça complète le programme. Michel, on va écouter encore quelques extraits de ce programme qui s'en vient. Hey, Michel Plamondon, commissaire de musique électronique, moi multi, édition 2021. Grand merci pour de m'avoir accordé cette belle rencontre. Merci à toi. Alors, ils sont imprévisibles, talentueux et surtout, ils sont des habitués du mois multi. Je parle du Théâtre Rue d'Ingénierie, un collectif de production multidisciplinaire qui bricole des performances avec du son, des images, des machines et des corps bien réels qui performent. Leur proposition pour le mois multi 2021 s'intitule « Venise 2 ». Deuxième partie d'un spectacle de musique mystérieuse, un happening musical comportant une bonne partie ou une bonne dose, je devrais dire, d'inattendu. Alors on écoute à ce propos Bruno Bouchard du Théâtre Rue d'Ingénierie. Hey Bruno, grand plaisir de t'accueillir pour parler de votre projet qui sera présenté dans le cadre du prochain mois multi. Ça s'intitule Venise 2. Comment ça se présente? Écoute, Venise 2, c'est un projet d'abord vital. Donc, on est dans une énergie rock de gestes artistiques. Donc, on est en train de gratter nos racines de jeunesse tant musicale que de folie multidisciplinaire, et on a envie on part à la recherche avec ce projet-là dans nos thèmes les plus chers et dans nos désirs artistiques les plus criants, les plus dans nos racines. Bruno, tout à l'heure, là, on échangeait. C'est un travail en temps réel que vous êtes en train de faire, là. C'est complètement happening, tout ça, dû à la force des choses. C'est un projet qu'on devait faire commencer l'an dernier, pour arriver à une première phase de création de musique à partir desquelles on voulait aller, oui, dans la mise en performance de la musique, puis on voulait amener un côté d'archives. Je te parlais de racines tantôt. On a envie d'aller à la fois dans nos racines personnelles, ressortir toutes les musiques d'objets transformés, mais aussi une grosse part de musique qu'on fait beaucoup en cachette, que les gens ne savent pas qu'on fait, c'est-à-dire de la musique très, très électronique, très rock, très lourde, très loud. Donc, on a envie d'aller là, et à la fois, on avait envie d'aller dans une certaine exploration de culture locale, de culture à nous. Et donc, on voulait aller faire une recherche d'archives cinéma québécoises et partir avec ça comme matériel, comme un instrument de musique, jouer du cinéma comme d'un instrument de musique avec nous. Et par là-bas, on utilisait les images comme une des présences scéniques. Je te raconte plein de choses qui n'auront pas lieu. En ce moment, donc, on est de retour à la case départ. Émile nous a invités à se stimuler avec le mois multi. Donc, pour les gens qui nous connaissent, on a une démarche multi. Parfois, on passe par des trucs un peu plus disciplinaires. On finit dans des grandes soupes multidisciplinaires. C'est très important pour nous de tisser des liens. Hein? C'est une de nos... d'inventer des nouveaux liens, d'explorer des nouveaux liens, de travailler la biodiversité de l'imaginaire. C'est vraiment un de nos moteurs. Puis on le fait en travaillant la biodiversité des rencontres disciplinaires. Mais cette fois-ci, donc, on va arriver à l'étape musique, vraiment pure et dure. Mais dans l'idée du happening et grâce à notre background, ben, on arrive avec des musiques, mais là, d'une part, il va falloir la rendre en swimming. Donc, on va avoir des présences de caméramans qui vont se promener. Et c'est là qu'on va aller utiliser, j'ai bien l'impression que dans les trois prochaines semaines, va se passer beaucoup de magie à partir des choses qu'on sait bien faire, de mettre en performance le caméraman, de lui donner des règles de jeu, de dire par tableau, tu dois faire ci, tu dois faire ça, d'habiller l'espace où on joue de la musique, de nous mettre en situation de danger performatif dans l'expression de la musique. Donc, il y a énormément de surprises qui nous attendent à partir des règles de jeu qu'on aime se donner quand on explore l'idée de faire de la musique avec toutes les dimensions que ça peut avoir de corporel et visuel. Bruno, tes collègues, là, l'équipe qui environne, on parle de... avec Philippe Lessard-Drolet et Pascal Robitaille et moi, Bruno Bouchard, comme trio, membre fondateur de Théâtre Rue d'Ingénierie. On est en relation avec Jasmin Cloutier, guitariste également de l'Orchestre d'Hommes Orchestres, qui arrive avec un son bien chargé avec nous. Et c'est là que on va avoir trois caméramans avec nous dans l'espace. Et jeux de lumière, évidemment. Puis après ça, il y a toute une banque de possibles. Mais là, on va faire ça en direct de notre atelier. Notre atelier est grand, il est rempli d'objets. Notre atelier est un peu comme nos scènes habituellement. Toutes nos bidouilles sont là. Et je le vois bien, la famille, la communauté qui est là à faire tout plein de trucs avec nous aussi, qui a une certaine... un environnement sauvage où plein de choses se passent et des hasards se créent. Donc, on va voir par où on va de ce côté-là. Il va y avoir des surprises. C'est très prometteur, Bruno. Donc, ce spectacle, il est sur deux soirs, tout de même, 13-14 février. Oui. Et on va y retrouver cet environnement à la fois performatif, installatif, qui est propre à Théâtre Rue d'Ingénierie. Oui, il n'y aura pas tant d'installations comme dans Dreamland ou comme dans Saison complète pour les habitués. On n'aura pas de machines. On va vraiment être... c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines électroniques, mais traditionnelles à la musique électronique, quoi. Donc, comme je te disais, on est en train de mettre la table à partir d'un langage musical dans lequel, éventuellement, installations et performances vont s'insérer. Donc, à la limite, pour ceux qui sont plus proches de notre travail, ça va être intéressant de voir ce premier pas-là dans un chemin qui va probablement être assez long parce que il y a une énergie là. On parlait de tout à l'heure, je parlais de d'aller vers nos racines, mais ça c'est l'élastique qu'on étire. Après ça, l'idée c'est d'aller par en avant. Puis dans toute notre pratique, dans le contexte en ce moment, avec tout ce qui nous arrive, on est dans une grande quête de, on est dans une redirection. Et finalement, on est dans une quête, on ressent l'urgence d'agir pour quelque chose d'utile et nécessaire. On ressent l'urgence d'amener l'art vers un geste communautaire impliqué. Et là, cette musique-là, je pense, veut être une trame de fond à toute cette action-là. Elle veut nous crinquer, si tu veux. Oui. Hey Bruno, pour conclure notre entretien fort sympathique, dis-moi, pourquoi Venise? Venise, parce que on a souvent fait ça dans nos autres événements avec Dreamland, entre autres. Venise, pour toute la tension qu'elle possède dans son histoire. Donc, si tu aplatis toute l'histoire de Venise en fresque, tu as une situation où il y a plus de nature sauvage, tout a été occupé par l'homme, on a manipulé complètement l'espace, ça a été un grand espace de divertissement, c'est devenu un musée, c'est devenu un fantôme, c'est quasiment une Atlantide avant qu'elle disparaisse. Et il y a là tout un bagage de récits qui, pour moi, porte à la fois la catastrophe dans laquelle on est et l'immense potentiel de l'humain à construire et à réussir à manipuler son environnement. On a réussi à manipuler notre environnement pour le bien d'un grand divertissement, mais on l'a malheureusement détruit. Ce serait quoi maintenant continuer à se divertir et le construire à nouveau, notre cité imaginée utopique? Donc voilà, on est là-dedans, on est en train de mettre nos gants de jardinier dans le but de reverdir tout ça de grands efforts. Bruno, au programme du mois Multi Venise 2, 13-14 février. Grand merci de m'avoir accordé cette rencontre rapide, mais fort intéressante. On a hâte que vous nous voyez, on vous verra pas. On a hâte de vous voir, par exemple. Hey, au plaisir, salut. Voilà, ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir autour de cette trop brève incursion dans le programme sonore du Mois Multi. Vous pourrez tout retrouver sur le site dumoismulti.org en ce qui concerne le programme d'activité. Ça débute ce jeudi, dans quelques jours, jeudi 4 février. En ce qui me concerne, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site web de l'accroche-oreille pour noter le titre des pièces entendues ce soir. Ou reprendre l'écoute d'émissions diffusées jusqu'à maintenant. On termine ça sur une pièce du théâtre Rue d'ingénierie. Et alors voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion.